إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم donc on commence maintenant le cours numéro 10 dans le cours sur le livre حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة écrit par le Cheikh Issam, le docteur Cheikh Issam Ibn Abdullah As-Sinani, qui a été relu et préfacé par Ma'ali al-Sheikh, le docteur Saleh Ibn Fawzan al-Fawzan, عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. Donc, à la fin du dernier cours, on avait lu des paroles de Cheikh Saleh al-Fawzan dans son livre justement شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك, et on a lu les trois catégories. On a parlé des trois catégories par rapport à Al-Wala ou Al-Bara, et que les gens vis-à-vis de Al-Wala ou Al-Bara sont divisés en trois catégories. On a expliqué que il y a deux catégories qui sont extrémistes, puis qu'il y a la voie du juste milieu qui est la troisième catégorie. Donc là, dans le dernier cours, à la fin, on a expliqué les deux premières catégories, la catégorie de ceux qui ont exagéré dans la compréhension qu'ils ont de Al-Wala Al-Bara à cause de leur ignorance et à cause de Al-Ghayra, parfois ils exagèrent dans la jalousie ou bien dans le sens de la défense de l'honneur à un point extrême, parce qu'ils ont ils n'ont pas de connaissance réelle de qu'est-ce que signifie Al-Wala Al-Bara. Donc ils veulent aller à l'extrême et ils pensent que Al-Wala Al-Bara signifie qu'il ne doit y avoir aucune relation, aucune communication, aucune entente, aucun commerce, aucune relation diplomatique, aucune entente internationale entre les musulmans et les non-musulmans. Et ils considèrent que toute forme de relation avec les kuffars, c'est une forme de wala pour les kuffars, et que c'est quelque chose qui vient en contradiction avec l'islam. Donc ça, c'est le premier exemple d'égarement et d'ignorance par rapport à ça. On en a parlé, on a expliqué ça. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie qui est à l'autre extrême, qui est à l'opposé de cette première extrême. Et c'est ceux qui considèrent que Al-Wala Al-Bara, c'est quelque chose qui est à rejeter. Ils disent tout le monde sont égaux, tout le monde sont pareils, tout le monde a une religion, il ne faut pas distinguer les hommes entre eux par rapport à la religion, tout le monde sont des fils d'Adam, il ne faut pas détester personne, hein. Et ceux qui, comme ils considèrent eux, que Al-Wala Al-Bara c'est de l'extrémisme et du terrorisme, ils mélangent entre le terrorisme et Al-Wala Al-Bara, ils font des ambiguïtés entre ces choses-là. Donc ils disent on est tous des fils d'Adam, on est tous des frères, peu importe quelle religion qu'on soit, et ainsi de suite. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est un autre extrême, et c'est de l'égarement, parce que ces gens-là vont en contradiction et ils nient qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et qu'est-ce qui est clair dans l'islam. de ces choses-là. Et comme Cheikh Al-Fawzan l'expliquait au dernier cours, il disait, si ces gens-là étaient capables d'effacer les versets du Coran qui parlent de Al-Wala ou Al-Bara, ils l'auraient fait. Hein? Et ils mentionnent même qu'ils ont essayé même de changer les programmes d'éducation en Arabie Saoudite et ailleurs pour essayer de dire que c'est à cause de ces, parce que certains même parmi les kuffars et les munafiqins, c'est ce qu'ils ont dit, ils ont essayé de mentionner que s'il y a eu des actes de terrorisme ou des choses de ce genre, c'était à cause du programme d'éducation, et que le programme d'éducation religieuse enseignait al-wala wal-bara, donc à cause de ça il y a eu des actes de terrorisme. Et bien entendu, ça c'est complètement faux. Souvent, qu'est-ce qui se passe avec cette deuxième extrême, cette deuxième catégorie, c'est qu'ils font, ils prennent par exemple des exemples de qu'est-ce que font certains égarés parmi les khawarij et les takfiriyins, et ils les prennent comme étant des choses qui font partie de l'islam. Donc ils font semblant comme s'ils ne savaient pas que ces choses-là sont contraires à l'islam, et donc ils accusent l'islam ou ils accusent la salafia d'être responsable de ce genre de comportement ou de ce genre de choses. Et puis par la suite, ils disent, bon, dans ce cas-là, il faut réformer l'islam, il faut réformer les programmes d'éducation en Arabie Saoudite, il faut changer les choses. Alors que la réalité de l'influence de ceux qui ont été influencés par ces actes, à faire ces actes de terrorisme-là dans les pays musulmans, que ce soit en Arabie Saoudite ou ailleurs, leur influence dans ces choses-là, ce n'était pas al-wala wal-bara, qui est compris selon le Coran et la Sunna, et ce n'était pas non plus la compréhension de l'islam selon la aqida des salaf al-salih. Bien au contraire, ils ont pris leurs influences des sources et d'origines qui sont totalement étrangères à la aqida et au manhaj des salaf. La plupart d'entre ces gens-là, c'est des gens qui ont été influencés par les hizbiyins, par les groupes comme les frères musulmans, les Ikhwan, comme des gens comme Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, et d'autres gens de ces catégories-là qui, justement, ont ces idées extrémistes et qui ont pour but, justement, d'opposer les pays musulmans, les gouvernements musulmans, pour prendre le pouvoir dans ces pays-là. Ils utilisent ces méthodologies qui viennent des koufars pour arriver à leurs objectifs, et parmi ces moyens-là, comme le terrorisme et d'autres. Et on a expliqué plein de fois que ces choses-là ne font pas partie de l'islam. Maintenant, on va parler du troisième groupe, la troisième catégorie, et qui est le groupe de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, les gens du juste milieu, ceux qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf al-salih, sans exagérer d'un côté ni de l'autre, sans tourner ni à gauche ni à droite. Et qui sont les gens de la modération, qui sont les gens de la modération. Et les gens de la modération, et la modération elle-même, comme je l'ai expliqué dans plusieurs cours, elle ne doit pas être déterminée ou jugée par rapport à qu'est-ce que pensent les koufars, par rapport à qu'est-ce que pensent X ou Y. On détermine qu'est-ce qui est modéré et qu'est-ce qui est modération par rapport à qu'est-ce qui est écrit clairement dans le Coran et dans la Sunna, et qu'est-ce qui était pratiqué et appliqué par les sahaba, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les choses sur lesquelles ils étaient tous d'accord, lorsqu'ils étaient tous d'accord sur quelque chose, ça fait partie du consensus des musulmans, et ça devient quelque chose qui fait partie de l'islam dans ce cas-là. Donc ça c'est la voie du juste milieu. La voie du juste milieu, c'est pas de vouloir essayer de faire plaisir aux koufars en leur disant des choses qui sont en accord avec leurs désirs et leurs passions, comme certains d'entre les gens d'égarement le font parfois. Ils disent ça c'est la modération. Pourquoi c'est la modération? Parce que c'est ça ce que les koufars croient, ou parce que c'est ça ce que les koufars acceptent ou aiment dans leur société ou dans leur pays, ou dans leur philosophie ou dans leur psychologie ou dans leur ci et ça. Donc c'est pas ça qui détermine qu'est-ce qui est le juste milieu et la modération. La modération, c'est qu'est-ce qui était déterminé par qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et qui a été appliqué et compris par les salafs salih. Donc ça c'est très important de le comprendre. Le Cheikh Al-Fawzan il dit donc Al-Qism al-Salith Ahlul Wasatiyya Wal-I'tidal Al-Ladhi yarawna wujub al-Muwala yarawna wujub al-Muwalaati fi Allahi Wal-Mu'adati fi Allah ولكن ليس معنى ذلك أن نظلم الكفار أو نقتل المعاهدين بل نفي لهم بعهدهم ما وفوا لنا مصداقا لقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أي لا يجرمنكم بغضهم وعداوتهم على أن تظلموهم بل العدل واجب مع المسلم ومع الكافر فلا يجوز الظلم بحال من الأحوال قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Donc le cheikh il commence en disant que la troisième catégorie c'est la catégorie des gens du juste milieu. Hein, et en passant les gens du juste milieu, al-wasatiyya, les gens de la modération, ce ne sont pas les gens qui sont toujours entre deux choses de façon indéterminée. Parce que des fois, vous avez des gens comme ça qui disent, ah, mais nous, on est au juste milieu parce que on se fait critiquer par X, on se fait critiquer par Y. Et ça, c'est pas un point déterminant. Parce que ça se peut que les gens qui te critiquent sont des extrémistes. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que le fait que ces gens-là te critiquent, ça ne veut pas dire que toi-même tu n'es pas un extrémiste. Ça ne veut pas dire que toi-même tu n'es pas un extrémiste. Puisque si tu ne te tiens pas sur la voie des salafs salih et sur la voie du Coran et de la Sunna, donc dans ce cas-là, même si tu te fais critiquer par différentes tendances ou différentes catégories, eh bien, ça ne te fait pas sortir de l'extrémisme. Hein? Tu veux voir par exemple un Ashbash qui critique un Khariji, hein? Ou bien tu vas voir un Ash'ari qui se fait critiquer par un Mu'tazili, hein? Et qui se fait critiquer par un chrétien. Ça ne veut pas dire que parce qu'il se fait critiquer d'un côté puis il se fait critiquer de l'autre, ça ne veut pas dire que lui-même est nécessairement dans la voie droite ou sur le droit chemin ou sur la voie du juste milieu. Hein? Donc, si quelqu'un veut s'enseigner sur la voie droite ou sur le droit chemin, hein, ou sur la voie du juste milieu, il doit se référer à l'exemple des salafs et à voir c'était quoi leur aqidah, c'était quoi leur manhaj à eux. Hein? Et si eux, s'il est en accord avec qu'est-ce qu'eux ont suivi et qu'ils l'appliquent, eh bien, dans ce cas-là, il est sur la voie du juste milieu. Mais sinon, s'il ne l'est pas, alors ce n'est pas le cas. Hein? Comme par exemple les Hizbiyin, les Takfiriyin, qui se prétendent parfois être le juste milieu. Ben, comme les Ikhwan, par exemple, ces gens-là qui prétendent ça, c'est des gens eux-mêmes qui sont dans l'égarement. Hein? Et ils pensent qu'ils sont dans le juste milieu par rapport à qu'est-ce qu'ils ont établi pour eux-mêmes comme principe et comme règles, selon leur raison, selon leur logique, selon qu'est-ce que leur imam ou leur cheikh ont décidé, sans avoir aucune preuve de référence du Coran et de la Sunna. Ça, c'est pas le juste milieu. Hein? Donc, le juste milieu, c'est ce qui est établi par le Coran et par la Sunna, en premier, et ensuite, qu'est-ce qui est confirmé par la voie et la compréhension des salafs salih. Donc ça c'est fondamental. Donc les gens du juste milieu, les gens de l'équilibre, de la balance, ce sont ceux qui considèrent qu'il est obligatoire d'appliquer al-wala ou al-bara, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne signifie pas qu'on doit faire de l'injustice aux kuffars. Cela ne signifie pas qu'on doit tuer les gens qui ont parmi les kuffars une entente de paix avec les musulmans, hein, comme le font les Khawarij, les Takfiriyin, qui utilisent des moyens comme le terrorisme et qui tuent des gens qui ont, parmi les koufars, ils tuent des gens, des koufars qui ont des ententes de paix avec les musulmans, ou des koufars qui font partie des États ou des pays, hein, qui ont des ententes de paix avec les musulmans. Donc si on a des ententes de paix, si ces kuffars là ont des ententes de paix avec les musulmans, ils sont des mu'ahadin et il est donc interdit de leur faire du tort, de les tuer ou de leur faire un mal quelconque, hein, par respect pour le pacte et l'entente qu'on a établi entre eux et nous, hein. Et donc du moment qu'ils ont une entente avec nous, il est obligatoire pour nous de respecter cette entente envers eux. Et ça c'est par rapport au verset que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans le Coran, le verset 8 dans surat Al-Ma'ida. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et que votre haine pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste ou à ne pas être juste envers eux. Soyez juste, cela est plus proche de la piété, hein. Et donc le cheikh explique, il dit que votre haine pour eux et que votre animosité envers eux ne vous pousse pas à leur causer du tort ou de l'injustice, hein. Certes, la justice est obligatoire pour nous, c'est-à-dire c'est obligatoire pour nous d'être juste avec le musulman et avec le kafir, et il n'est pas permis de faire de l'injustice en aucun cas. Et il mentionne le verset 2 dans surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et que votre haine pour un peuple et le fait qu'un peuple que votre haine pour un peuple du fait qu'ils vous ont obstrué la voie vers la mosquée sacrée, la mosquée de la Mecque, ne vous pousse pas à transgresser contre eux. Et encouragez-vous et collaborez tous ensemble dans la piété et dans le bien, et ne vous entraidez pas les uns les autres dans le péché et la transgression. Donc le cheikh il dit: fahada fahakada ya'muruna dinuna wa huwa dinu al-i'tidal, nahnu nubghidu al-kuffar nubghidu dinahum walakin la nadhlimuhum la naqtulu al-mu'ahadin minhum. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. انظر مع أن القاتل مسلم ومؤمن توعده الله بأنه لا يرح رائحة الجنة مع أنه قتل كافرا، ولكن لما كان الكافر له عهد صار قتله غدرا في الإسلام وطعنا في الإسلام، فهو طعن في الإسلام من حيث لا يدري ويظن أنه ينصر الإسلام، يقول أقتل الكافر نصرة للإسلام، بل يقال له: أنت طعنت في الإسلام لأنك شوهت الإسلام بأنه دين الغدر والخيانة. يعني le cheikh explique, il dit: c'est ainsi que notre religion nous ordonne. C'est une religion de la modération, du juste milieu, et de la balance et de l'équilibre. Donc nous devons détester les kuffars, nous devons détester leur religion, parce que ce sont des religions d'égarement, de shirk, de kufr et de fausseté. Mais par contre, nous ne devons pas leur faire de l'injustice. Et on ne doit pas tuer les kuffars qui ont une entente de paix avec les musulmans et qui ont des pactes et des ententes avec les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma dans Sahih al-Bukhari, il dit: celui qui tue un kafir qui a une entente avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis, malgré que son odeur puisse se sentir d'une distance de plus de 40 ans. Donc le cheikh il dit: regardez, malgré que le tueur ou celui qui a tué est un musulman, un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a menacé qu'il ne sentirait pas l'odeur du paradis, malgré que la personne qui a été tuée est un kafir. Mais étant donné que ce kafir, il a une entente et un pacte, alors le fait de le tuer devient une trahison dans l'islam et une attaque contre l'islam. Donc celui, le cheikh dit, celui qui fait ça, celui qui tue un kafir qui a une entente de paix avec les musulmans, il a lui-même fait un tort à l'islam, il a attaqué l'islam hein, sans même le réaliser, sans même s'en rendre compte. Il pense qu'il défend l'islam, hein, il dit « moi je suis un kafir pour défendre l'islam » et le cheikh il dit « mais en fait non, on doit dire à cette personne « non, tu viens d'attaquer l'islam en faisant ça » parce que tu as sali l'image de l'islam et tu as fait paraître l'islam comme étant une religion de trahison, hein, de trahison et de traîtrise. Donc ça c'est très important à comprendre par rapport à ces principes-là. Le cheikh il dit « Hatta inna al-mu'ahad iza qutila khata ففيه الدية والكفارة مثل المسلم كما قال تعالى ومن كان لمؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى قوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ففدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فيجب في قتل الكافر المعاهد خطأ ما يجب في قتل المؤمن خطأ الدية والكفارة الدية لأهله على العاقلة والكفارة على القاتل وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين يصوم شهرين في قتل كافر لماذا؟ لأنه معاهد وهو أخطأ في حق الإسلام وهذا ذنب يحتاج إلى كفارة أما إذا قتله عمدا فعليه الوعيد من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فيجب أن نعرف هذه الأمور وهذه المبادئ في الولاء والبراء فلا نكن مع المفرطين ولا مع المفرطين بل نكون على الوسط والاعتدال على ما تقتضيه النصوص الشرعية. Donc le cheikh il explique un point important. Il dit donc que même le kafir qui a une entente de paix avec les musulmans, le kafir qui a une entente de paix avec les musulmans, s'il a été tué, s'il a été tué par erreur, c'est-à-dire que il a été tué par exemple accidentellement, d'une façon qui n'a pas été préméditée. Et bien dans ce cas-là, il a le droit à la diya, c'est-à-dire le prix de sang, et à la kafara, hein, l'expiation. De la même façon que le musulman, lorsqu'il est tué par erreur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le verset 92, dans surat An-Nisa, il dit, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ, c'est-à-dire, il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est que par erreur. Et quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant, et remette à sa famille le prix de sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Donc ça c'est pour le croyant lorsqu'il est tué par erreur, hein, accidentellement. Maintenant, par rapport au kafir maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le même verset, 92 dans surat An-Nisa, il dit, mais si le tué, c'est-à-dire si la victime, hein, appartenait à un peuple ennemi à vous, hein, parmi les koufars, ça c'est yani, attendez, ça, mais si le tué appartenait à un peuple, donc il y a une partie du verset qui parle du croyant qui vivait parmi les koufars, hein? Et puis ensuite, ça c'est une partie du verset, le cheikh il a sauté cette partie là parce que c'est pas le point qu'il voulait démontrer, mais c'est la suite après, qu'est-ce qui vient après du verset. Et s'il appartenait à un peuple, c'est-à-dire si celui qui a été tué par erreur appartenait à un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, c'est-à-dire un peuple parmi les koufars auquel vous êtes lié par un pacte, converse alors à sa famille le prix du sang. Hein, donc on doit payer à la famille de ce kafir le prix du sang. Et qu'on affranchisse un esclave croyant pour expier, hein, comme expiation. Et celui qui n'en trouve pas les moyens, c'est-à-dire qui n'a pas les moyens d'expier un esclave croyant, qu'il jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Hein? Allah est omniscient et sage. Donc ça c'est par rapport à celui qui a fait ça et que c'est pas intentionnel, c'est une erreur. Donc le cheikh il dit, ensuite il dit, il est obligatoire donc, lorsqu'il y a eu le meurtre d'un kafir qui a une entente de paix, hein, et qu'il a été, quand on dit le meurtre, c'est-à-dire qu'il a été tué, mais qui a été tué par erreur, hein, khata'an, qui a été il y a eu un accident ou quelque chose comme ça. Donc le cheikh il dit c'est obligatoire de donner pour ce kafir ce qui est obligatoire de donner pour le croyant qui a été tué par erreur aussi. C'est-à-dire la diya, le prix de sang, et la kafara. Okay? Et la diya doit être mise à ses proches, de sa famille, tandis que la kafara, ça c'est pour, yani, pour le, c'est la personne qui a tué qui doit faire cette chose-là pour être expiée, comme ici c'est mentionné dans le verset, de libérer un esclave croyant. Et s'il ne trouve pas d'esclave croyant à libérer, il n'en a pas, alors dans ce cas-là, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Hein? Et donc le cheikh il dit, il doit jeûner donc 2 mois pour avoir tué un kafir. Pourquoi? Parce qu'il est mu'ahad, c'est-à-dire qu'il a une entente de paix avec les musulmans. Et il l'a fait par erreur. Hein? Et cette erreur qu'il a faite, c'est une erreur aussi vis-à-vis du droit de l'islam. Hein? Parce qu'il y a une entente entre les musulmans et les koufars. Et donc, cette entente-là doit être respectée. Si l'entente n'est pas respectée, c'est un tort que la personne fait à l'islam en agissant ainsi. Donc ça c'est, hein, un péché qu'il a fait, donc c'est comme s'il a besoin d'être expié de ce péché là mais ça c'est quand il a fait par erreur, on a dit. Donc imaginez maintenant s'il le fait volontairement, c'est-à-dire celui qui a tué le kafir volontairement, donc ça c'est encore plus dangereux et plus grave, hein? Et le cheikh il dit parce qu'il a tué un kafir qui a une entente de paix volontairement et de façon préméditée, alors dans ce cas-là, il est sous la menace, hein, de qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith. Dans le hadith, c'est-à-dire que celui qui a tué un kafir qui est sous une entente de paix avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc le cheikh, il dit, c'est obligatoire de connaître ces choses-là, de connaître ces principes-là dans Al-Wala wal-Bara, pour ne pas qu'on soit parmi les gens qui exagèrent ou les gens qui tombent dans le laxisme, et pour qu'on soit dans le juste milieu et dans l'équilibre, dans la balance, selon ce qui est impliqué et expliqué par les textes de la charia. Et ça c'est un point important que le cheikh rajoute ici en expliquant qu'il ne faut pas que ce soit basé sur les passions ou les désirs, mais il faut que ce soit basé sur les preuves des textes. Donc, ensuite, le cheikh il continue à expliquer l'importance d'Al-Wala wal-Bara, et il continue à répondre à ceux qui ont des shubuhat et qui font des amalgames dans la question de Al-Wala Al-Bara. Maintenant, nous, on va revenir à notre livre, Haqiqatul Wala'i Wal-Bara, maintenant, fil al-Kitab wa Sunna, pour expliquer le troisième point dans le livre, après avoir lu les preuves qui ont rapport avec Al-Wala Al-Bara, c'est-à-dire les versets du Coran qui montrent l'obligation d'établir Al-Wala Al-Bara. Maintenant, on va lire un autre point qui est mentionné ensuite, c'est le point numéro 3, qui s'intitule « Makanatu aqidatil wala'i wal-bara ». C'est-à-dire, c'est quoi le statut? C'est quoi le statut de Al-Wala Al-Bara dans l'islam? Hein, c'est quoi son importance? C'est quoi son degré? C'est quoi son statut? C'est quoi sa place de Al-Wala Al-Bara? Est-ce que c'est une place importante? Est-ce que c'est quelque chose qui est un détail dans la religion ou bien c'est quelque chose de fondamental? Donc c'est ça ce qu'on veut savoir maintenant. Le cheikh, il a détaillé ce point-là. Naam. Le cheikh, il a détaillé ce point-là en détail. Et il a expliqué, il a dit, il a détaillé ça en trois points. Ce chapitre. Le premier point, le deuxième point, donc le premier point, il a expliqué que Al-Wala Al-Bara, c'est la signification de la ilaha illallah. C'est la signification de la ilaha illallah. Le deuxième point, il a expliqué que Al-Wala Al-Bara, hein, c'est une condition de la foi. Al-Wala Al-Bara, c'est une condition de la foi. Et le troisième point qu'il mentionne, c'est que Al-Wala Al-Bara, c'est le câble le plus ferme de la foi, hein, ou lance la plus ferme de la foi. Non, donc il s'est basé sur, il a clarifié ces trois points-là. Et ce sont les trois points qu'il a expliqués maintenant dans ce passage, dans ce point numéro 3. Donc on commence maintenant. Le cheikh, il explique le premier point. Al-awwal. Annaha min ma'na ash-shahada la ilaha illallah. فإن من معناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله من الآلهة والطواغيت وضعاتها والولاء لهذه الكلمة بأن يكون الحب والبغض لله وفي الله وبالله قال تعالى مبينا ذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم والطاغوت كل ما عبد من دون الله. Donc le cheikh dit le premier point que al-wala wal-bara, c'est en fait la signification du témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et pourquoi on dit que c'est la signification de la ilaha illallah? Eh bien, le cheikh, il dit parce que parmi les significations, la signification de la ilaha illallah, c'est le fait de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, parmi les divinités, les fausses divinités, et parmi les tawarit, hein, les choses qui sont adorées en dehors d'Allah, et ceux qui invitent à ces divinités-là. Donc, le mu'min, le croyant, pour que son témoignage soit valable, hein, il faut qu'il comprenne sa signification. Et parmi les éléments de sa signification, il y a premièrement le désaveu, le fait de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les fausses divinités, les tawarit et ceux qui invitent à celles-ci. Et le cheikh dit que al-wala, pour cette parole, ça signifie que tu dois aimer et détester pour Allah, en Allah et par Allah. Hein? Donc, on sait que la ilaha illallah, on va l'expliquer encore plus en détail dans les citations qui sont mentionnées par la suite, mais on sait que la ilaha illallah, il est divisé en deux. Il y a la négation et l'affirmation. La négation, la ilaha, tu nies et tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et illallah, tu affirmes que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Hein? Donc tu dois donc aimer uniquement pour Allah et détester uniquement pour Allah. Et ça, c'est qu'est-ce qui vient donc clarifier et expliquer la signification de al-wala wal-bara. Des fois, on dit al-hubbu lillah, c'est-à-dire d'aimer pour Allah. Hein? C'est-à-dire, tu aimes quelqu'un ou quelque chose pour Allah, hein, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, on dit al-hubbu fillah et al-burdu fillah, c'est-à-dire d'aimer et de détester en Allah. Et qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie d'aimer et de détester dans ou en ce qui amène l'agrément d'Allah et en ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que ça signifie quand on dit al-hubbu wal-burdu fillah. Et quand on dit al-hubbu wal-burdu billah, hein, par Allah, eh bien, c'est lorsque tu aimes et lorsque tu détestes par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par rapport à qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans sa révélation, hein, et selon les principes et les règles de l'islam et de la sharia, hein, et pas n'importe quelle façon. Donc, il mentionne le verset 25 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala explique et dit quiconque donc rejette ou renie le tarout et croit en Allah, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas, et Allah est certes audient et omniscient, hein, il entend tout et il sait toutes choses. Et le tarout, c'est quoi? C'est un terme qui définit ou qui désigne tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut l'appeler tarout. Et il y a d'autres détails aussi là-dessus, comme si vous avez lu Al-Usul al-Salata, il y a la définition et l'explication de l'imam Ibn al-Qayyim qui est mentionné au sujet du tarout et qu'est-ce que ça signifie. Ensuite, il y a une citation maintenant de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Majmu' al-Fatawa, le volume 13 à la page 200. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh al-Islam? Il dit تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالنفي مع الإثبات نفي إلهية غيره مع إثبات إلهيته وحده فإنه ليس في الوجود إلا فليس في الوجود إله إلا الله ليس فيه معبود يستحق العبادة إلا الله فيجب أن يكون هذا ثابتا في القلب فلا يكون في القلب من يألهه القلب ويعبده إلا الله وحده ويخرج من القلب كل تأله لغيره ويثبت فيه تأله لله وحده إذا كان ليس ثم إلا إله إلا الله وحده وهذه الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه ولمن عبدهم قال تعالى عن الخليل عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقال قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده انتهى كلامه رحمه الله. Donc ici Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah explique, il dit que la réalisation du témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et il s'établit par la négation et par l'affirmation. La négation de l'adoration d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala et l'affirmation de son adoration lui seul, hein, que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Parce qu'il n'y a rien qui existe, ou plutôt il n'y a pas de, divinité qui existe, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée, excepté Allah. Hein? Donc il explique, il dit, il n'y a pas de divinité qui existe excepté Allah, c'est-à-dire il n'y a pas de chose qui mérite d'être adorée excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc toute chose qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette chose qui est adorée en dehors d'Allah ne mérite pas cette adoration-là. Hein? Et c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré. Et donc le cheikh il dit qu'il est obligatoire que cette chose-là soit ferme, hein, fermement installée et ancrée dans le cœur. Il faut que cette chose-là soit ferme dans le cœur. Et il ne faut pas qu'il y ait dans le cœur de quelqu'un une adoration dans son cœur pour cette chose-là. Il ne faut pas que dans le cœur de quelqu'un il y ait une adoration pour cette chose qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut que le cœur adore Allah seul. Et il faut faire sortir du cœur toute adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut que l'adoration qui est dans le cœur soit uniquement l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celle qui reste ferme dans le cœur, c'est l'adoration d'Allah seul. Hein? Puisque on sait que il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que tu dois aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, et cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit être associée et reliée à un désaveu également, et une animosité et une haine de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et une haine de tous ceux qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne à ce sujet les preuves dans Surat Az-Zukhruf, le verset 26, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'exemple de Ibrahim al-Khalil alayhi salam, lorsqu'il dit, et lorsque Abraham, il dit ce qui signifie, et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, car certes, c'est lui qui me guide. Donc, je me désavoue de ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala, car certes, c'est lui qui me guide, et c'est lui qui va me guider. Et il a fait de cette parole une parole qui reste derrière lui pour qu'il puisse revenir. Hein? Donc ça c'est la parole de la ilaha illallah, que je me désavoue de tout ce qui est adoré excepté de celui qui m'a créé. Ça c'est la ilaha illallah, c'est la même chose, mais dite d'une autre façon, avec d'autres termes, mais c'est la même parole exactement, c'est la même formule, la négation et l'affirmation. Et il mentionne l'autre verset qui est le verset 75-76 dans Surat al-Shu'ara, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne encore une fois les paroles d'Ibrahim al-Khalil, lorsqu'il dit قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. N'avez-vous pas vu ce que vous adorez, أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ, vous et vos ancêtres parmi vos pères, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Il dit, certes, ils sont un ennemi pour moi, excepté le Seigneur des mondes, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 4 dans Surat al-Mumtahana, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, قَالَ تَعَالَى قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ. Donc ce verset, qui est le verset 4 dans Surat al-Mumtahana, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie, et il y a certes un bon exemple à suivre pour vous en Abraham et ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions et entre vous et nous s'est installé une animosité et une haine qui durera toujours, pour toujours, ou bien qui durera pour toujours jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Abadan hatta tu'minu billahi wahda, qui va durer jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc ça, c'est la fin de la citation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ensuite il y a une citation de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son livre Madarij al-Salikin, le volume 1 à la page 176. Le cheikh il dit wa dhakara tahqiq shahadati an la ilaha illallah ilman wa ma'rifatan wa amalan wa halan wa qasdan. Donc il a mentionné la réalisation du témoignage de la ilaha illallah dans la science, dans la connaissance, dans l'application, dans les actions, et dans notre état et dans nos intentions. Donc de réaliser la ilaha illallah sur tous ces plans-là. Et donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il explique ça. Il dit « Wa haqiqatuhu aydan al-bara wal-wala » Al-bara wal-wala. Al-bara min ibadati ghayrillah wal-wala lillah. كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال أيضا قال يا قوم إني براء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها. وهذه براءة منهم من معبودهم وسماها براءة من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh explique ici, il dit que la réalisation et la réalité de la ilaha illallah également, c'est al-bara wal-wala, le désaveu et l'alliance, ou la haine et l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, comme par exemple, il explique, il dit al-bara, c'est-à-dire le désaveu de l'adoration de toute autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala, wal-wala pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et l'alliance ou l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne les preuves qu'on a mentionnées tout à l'heure à ce sujet-là, le verset 4 dans Sourate Al-Mumtahana et le verset 26 dans Sourate Al-Zukhruf. Donc les deux mêmes versets que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné. Et donc c'est le verset qui dit qu'il y a certes pour vous en l'exemple d'Abraham, hein, il y a certes pour vous le meilleur exemple en Abraham et ceux qui étaient avec lui, lorsqu'il dira à leur peuple, nous nous désavons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions et entre vous et nous s'est installée une animosité et une haine qui durera jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Et le verset 26 dans Sourate Az-Zukhruf, lorsqu'il dit, et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guidera. Hein? Et donc, ça c'est le deuxième verset. Ensuite, il mentionne le verset 78 et 79 dans Sourate Al-An'am, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô mon peuple, je me désavoue de ce que vous associez. Hein? Je me désavoue de ce que vous associez, de ce que vous faites comme shirk. قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre en hanif. C'est-à-dire que je tourne mon visage vers Allah seul et je me détourne de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne, il dit, et ensuite, et également Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô vous les mécréants, ya ayyuhal kafirun, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore. Et je n'adore pas ce que vous adorez. Hein? À vous votre religion, à moi la mienne. C'est-à-dire, à vous votre religion de shirk, de kufr, hein? Et à moi la mienne, c'est-à-dire la religion du tawhid. Hein? Et que j'adore uniquement Allah. Et que vous, vous adorez pas Allah. Même si vous lui offrez des prières, vous faites des actes d'adoration pour Allah, mais étant donné qu'il y a du shirk dans votre adoration, eh bien, vous n'adorez pas Allah réellement. Puisque vous associez avec Allah subhanahu wa ta'ala dans votre adoration. Et donc, ça c'est jusqu'à la fin de ce verset. Ça c'est Surat al-Kafirun. Dans Surat al-Kafirun, il y a un désaveu des mushrikin et de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et c'est pour ça que Surat al-Kafirun, elle est aussi appelée Bara'atun min ash-shirk, c'est-à-dire un désaveu de l'association ou bien du shirk. Ensuite, il y a une citation du Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Abu Batin. Et il fait partie des ulama de la da'wa najdiya, de la da'wa de réformation. De ceux qui ont suivi le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab après lui, parmi ses élèves et parmi ses enfants qui ont propagé cette da'wah au tawhid. Donc, on retrouve cette parole dans Ad-Durar al-Saniya, le volume 3, à la page 298. Il dit, « Wa fi qawlihi ta'ala » وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً Donc, il explique ce verset, le Cheikh, Abdullah Abu Batin. Il explique le verset 26-27 dans Sourate Az-Zukhruf. Et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guidera. Et il a fait, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette parole une parole qui reste après lui. Le Cheikh, il dit, donc Cheikh Abu Batin, il dit, قال المفسرون, donc les savants de tafsir ont dit à propos de ce verset, هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في عقبه أي في ذريته قال قتادة لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده والمعنى جعل هذا الموالى والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في ذرية إبراهيم يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض وهي كلمة لا إله إلا الله فتبين أن موالاة الله بعبادته والبراءة من كل معبود سواه هو معنى لا إله إلا الله انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh explique, il dit que les savants de tafsir ont expliqué ce verset-là en disant que c'est la parole du tawhid. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً. On a fait de la parole de la ilaha illallah, la parole du tawhid, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. On en a fait une parole qui reste après lui, c'est-à-dire dans ses enfants. Et un des salafs parmi les ulama de tafsir, Qatada, rahimahullah, il dit que cette parole est toujours restée parmi ses enfants et qu'elle va toujours rester parmi ses enfants. Il y aura toujours parmi eux quelqu'un qui adore Allah et qui l'unifie, qui établit le tawhid. Et la signification lorsqu'il dit qu'il va faire de cette parole quelque chose qui reste après lui, il dit, ça signifie qu'il va faire de al-mu'ala, c'est-à-dire que ça c'est le fait d'aimer et de s'allier par rapport à cette parole et de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va faire de ça une parole qui reste dans sa progéniture et dans ses enfants, c'est-à-dire les enfants d'Ibrahim, et que cette parole-là va être héritée parmi les prophètes et parmi ceux qui suivent les prophètes après eux, et qu'ils vont tous hériter de cette parole les uns des autres. Et c'est la parole de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et donc le cheikh dit, et donc on voit clairement maintenant que yani, le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et de s'allier à Allah subhanahu wa ta'ala en l'adorant et de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors de lui, c'est ça la signification de la ilaha illallah, d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala en l'adorant lui seul et de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors de lui, c'est ça la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire du fait que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la fin de la parole de cet imam Abdullah ibn Abdurrahman Abu Batin. Maintenant le cheikh il fait un commentaire sur ça. Il dit ومن العجب أن تجد كثيرا من الدعوات الحركية الدينية المعاصرة اليوم لا تأبه للولاء والبراء على عقيدة التوحيد بل الولاء والبراء على الجماعة أو الدعوة أو الدعوة الحزبية فيجتمع السني والقبوري والصوفي والرافضي لأن رابطة العصبية أقوى عندهم من رابطة التوحيد بل يصرح كبارهم بأن اليهود والنصارى إخوة لهم لأن العداوة التي بينهم وبين اليهود والنصارى ليست دينية بل عداوة على الأرض فحسب وكذلك تجد من يوالي عباد القبور والأضرحة باسم الجهاد تحت مظلة يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونعمل فيما اتفقنا عليه وفي الوقت الذي يتبرأ من يتبرأ من أهل التوحيد السلفيين باسم إنكار المنكرات، مع أن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc on va lire qu'est-ce que cette parole-là signifie. Et c'est un point très important parce que ça montre en fait les égarements des Hizbiyyin par rapport à Al-Wala ou Al-Bara et comment ils ont dévié dans cette question-là. Et le Cheikh il dit donc parmi les choses qui sont étonnantes, c'est que tu trouves que des groupes de da'wa et des mouvements religieux contemporains et certains groupes de Hizbiyya contemporains aujourd'hui, ils ne donnent pas d'importance à Al-Wala ou Al-Bara sur le fait de s'unir sur la aqida du tawhid. C'est-à-dire que eux, quand ils s'allient avec quelqu'un ou quand ils se désavouent de quelqu'un, ils ne le font pas par rapport au tawhid. Ils s'allient avec quelqu'un et ils se désavouent de quelqu'un par rapport à son groupe et par rapport aux principes qui sont établis par le chef de ce groupe, hein, et par leur tête, et non pas par rapport aux principes, hein, du tawhid, par exemple, qui est la base de la religion. Donc le cheikh il dit que tu vois que Al-Wala ou Al-Bara, pour ces groupes-là et pour ces partis soi-disant islamiques ou ces groupes de da'wa, eh bien tu vois à l'intérieur de ces groupes-là qu'ils se réunissent tous ensemble sans distinction. Tu vas voir entre eux, hein, ils veulent essayer de réunir le sunni, l'adorateur de tombe, le soufi, le rafidi, hein, et pour eux, qu'est-ce qui est plus important? C'est le lien de fanatisme, hein, et d'association. Et pour eux, ce lien-là, il est plus fort que le lien du tawhid. Et c'est pour ça que tu les vois ensemble travailler dans des différentes causes, causes et différents objectifs qu'ils veulent essayer d'atteindre. Et ils mettent de côté le tawhid et la aqida et le manhaj des salaf. Pour eux, ça c'est un détail, ils mettent ça de côté et ils se concentrent sur d'autres choses et ils s'allient et ils s'aiment entre eux sur les principes de la jama'a. Et donc c'est pour ça que tu vois parmi eux des rafida, des soufis, des qubouri et des gens qui sont en opposition avec le tawhid, et eux, pour eux, c'est pas grave, c'est pas un problème ça. Le cheikh il dit que même le chef une des têtes et un des grands de ces groupes là par exemple, il dit clairement et ouvertement que les juifs et les chrétiens sont des frères pour eux, hein, et que l'animosité qui existe entre eux et les juifs, c'est uniquement entre eux et les juifs et les chrétiens, c'est uniquement quelque chose qui est relié à la terre et non pas relié à la religion. Hein? Donc si c'était juste quelque chose qui devait se relier uniquement à la terre, ça veut dire que du moment qu'on a la terre, par la suite, on devient des amis, on devient des frères. Il n'y a plus d'animosité. Ce n'est pas relié à la aqida et au tawhid, hein, et à la foi. Non. Donc ça, c'est la preuve que ces gens-là ne donnent pas d'importance à Al-Wala ou Al-Bara. Hein? C'est la preuve qu'ils n'ont rien compris du tawhid. Comme Hassan al-Banna, hein, et ceux qui l'ont suivi par la suite. Hein, comme Hassan al-Banna et Yusuf al-Qardawi et d'autres. Le cheikh il dit, de même que tu vois que parmi eux, il y en a qui prennent pour alliés les adorateurs des tombeaux, les gens qui adorent des tombes, et ils se mettent avec eux au nom du djihad, hein, et sous le parasol de on s'excuse les uns les autres sur les choses dans lesquelles on diverge, et on travaille les uns avec les autres, on s'excuse dans les choses sur lesquelles on est d'accord. C'est-à-dire, on s'excuse dans les choses sur lesquelles on diverge et on travaille ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Ça, c'est le principe des Ikhwan. C'est le principe des Ikhwan et de tous les groupes de Hizbiyya. Hein? Et c'est un principe qu'ils ont pris même des Kuffars aussi. Parce que les Kuffars, eux, travaillent par rapport à ce principe-là et sur selon ces règles-là. Hein? Et donc, ils disent, du moment que on a des divergences entre nous, même si c'est des divergences dans l'aqida, dans le tawhid, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. On travaille entre nous sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Et ça, cette règle-là, elle a été réfutée par Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen et plein d'autres parmi les ulama d'Ahl-Sunnah. Et il y a un livre qui a été écrit très bénéfique à ce sujet-là par le Cheikh Hamad Al-Uthman qui s'intitule Zajr al-Mutahawin bidarari qa'idat al-ma'zirati wa al-ta'awun. Il a été publié et même j'ai fait un cours avec ce livre. Les cours sont sur le site. Ensuite le cheikh il dit, et en même temps il se désavoue des gens du tawhid et des salafis au nom de vouloir dénoncer les péchés, au nom de vouloir dénoncer et condamner les péchés. Donc ça c'est ce qu'ils font, ils se désavouent des gens du tawhid et des salafis sous prétexte que on ne fait, comme selon ce qu'ils prétendent eux, on ne se concentre pas sur le fait de condamner les péchés et de dénoncer le mal. Tandis que eux, oui. Alors que le plus grand mal, ils le laissent. Hein, c'est-à-dire le shirk. Et le cheikh, en note de bas de page ici, justement, il mentionne quelques exemples. Cheikh ici, il mentionne quelques exemples, les paroles de Hassan al-Banna. يقول Hassan al-Banna, الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ. Donc dans le livre أحداث صنعت التاريخ, le volume 1 à la page 409, Hassan al-Banna il dit, خصومتنا لليهود ليست دينية لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم. والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. انتهى كلامه. Donc ça fait partie des absurdités de Hassan al-Banna et de ses principes. Qu'est-ce qu'il dit Hassan al-Banna dans ce livre? Il dit notre conflit avec les Juifs, ce n'est pas un conflit religieux. Parce que le Coran, le Karim, nous incite à avoir des bonnes relations avec eux et d'être amis avec eux. Et l'islam est une législation humaniste avant d'être une législation nationaliste. Et Allah a fait des éloges, a fait leurs éloges et il a mis entre eux et nous un accord. Donc, on se demande sur quelle religion, sur quelle charia, sur quel principe il se base, pour dire des choses qui sont clairement en opposition et en contradiction avec ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Le Cheikh il dit, وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي يَقُولُ عَنْ أَهْلِ مِلَّتِهِ مِنْهُمْ أَهْلُ الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ مَوْقِفُنَا مِنَ الدَّعْوَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي طَغَتْ فِي هَذَا الْعَصْرِ وفرقت القلوب وبلبلت الأفكار أن نزنها بميزان دعوتنا فما وافقها فمرحبا به وما خالفها فنحن براء منه. انتهى كلامه. Allah al-Musta'an. Donc qu'est-ce qu'il dit Hassan al-Banna dans le livre Majmu'atu Rasa'ili Hassan al-Banna? Dans son livre, qu'est-ce qu'il dit? À la page 18, c'est un recueil des livres et des écrits de Hassan al-Banna. À la page 18, il dit, notre position vis-à-vis des autres da'awat divergentes qui sont sortis à notre époque, qui ont transgressé à notre époque, et qui ont divisé les cœurs, et qui ont mélanger les idées, hein, et diviser les idées. C'est quoi la position? Il dit notre position envers ces groupes-là et ces da'awat, hein, c'est que on les pèse selon la balance de notre da'wah. On les pèse selon la balance de notre da'wah, c'est-à-dire selon la da'wah des ikhwan. Celle qui est en accord avec notre da'wah, on les accueille et on leur dit bienvenue. Et celle qui contredit notre da'wah, alors nous sommes innocents d'eux et nous nous désavouons d'eux. Donc ça c'est leur attitude envers les autres groupes. Le cheikh il dit, ça c'est leur attitude envers les autres groupes musulmans. Donc, vous avez vu qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux juifs, hein, que l'animosité c'est pas une animosité religieuse, c'est une animosité, hein, qui est pas basée sur la religion. Et un conflit qui est pas basé sur la religion, selon ce qu'il dit. Après, le cheikh dit, et en même temps, regardez ce qu'il dit à propos des musulmans et des différents groupes parmi les musulmans, et parmi eux, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a la da'wa salafiyya. Hein? Voici ce qu'il dit à propos d'eux. Et à propos de tous ces groupes-là, notre position, c'est que on les met sur la balance de notre da'wa. Celle qui est en accord avec notre da'wa, on les accueille, et celle qui est en contradiction avec notre da'wa, on se désavoue d'eux. Et également, il y a un autre parmi les ikhwan qui dit, qui s'appelle Jassim Al-Yassin. Il a écrit un livre qui s'appelle Les Du'ati Faqat, à la page 122. Il dit Bal da'watul ikhwan tarfudu an yakuna fi sufufiha ayy shakhsin yunaffiru min at-taqayyud bi khitatihim wa nizamihim. Walau kana arwa' ad-du'at fahman lil-islam wa 'aqidatuhu لو كان أروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته وأنظمته انتهى كلامه. Qu'est-ce qu'il dit Jassim Al-Yassin dans son livre Les Du'at Faqat à la page 122? Il dit que la da'wa des ikhwan refuse qu'il y ait en ses rangs toute personne qui fait fuir les gens de se limiter au plan et au système du groupe des Ikhwan al-Muslimin. Même s'il est le plus pieux de tous les du'ats et qu'il a une meilleure compréhension, même s'il a la meilleure compréhension de l'islam et de sa croyance et de ses principes et de ses systèmes. Subhanallah. Donc ça veut dire que pour les Ikhwan, qu'est-ce qui est suprême, qu'est-ce qui est au-dessus de tout? C'est les principes de la jama'a établis par Hassan al-Banna et les gens à la tête de ce groupe. Si quelqu'un parmi les musulmans qui fait la da'wah, même s'il a la plus grande compréhension de l'islam, même s'il a la meilleure aqidah, qui est plus pieux, et ainsi de suite, il rentre dans ce groupe, il ne se limite pas aux principes du groupe, eh bien, les ikhwan vont le refuser. Hein? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fait d'aimer pour le groupe et de détester pour le groupe. Hein? Et de faire al-wala wal-bara par rapport à un groupe. C'est ça que ça veut dire. Tu ne fais pas al-wala wal-bara selon le Coran et la Sunna. Tu fais al-wala wal-bara par rapport à ce qui dit ton chef, le chef de ton groupe ou les principes établis par ce groupe. Et le cheikh dit ensuite وَنْظُرْ كِتَابِ الْآخَرَ عَنْ بَرَاءَةِ دَعْوَةِ الشَّيْخ مُحَمَّدِ بْنْ عَبْدُ الْوَهَابِ مِنْ مَنْهَجِ التَّكْفِيرِ سِمَاتُ مَنْهَجْ جَمَعَةِ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَةً السِّمَةُ الْأُولَى وَمَا بَعْدَهَا. Donc le cheikh qui a écrit ce livre, le cheikh Issam, il a un autre livre qui s'intitule L'innocence de la da'wah du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de la méthodologie du takfir. Et il mentionne dans ce livre-là les caractéristiques et les signes du groupe des frères musulmans et il explique donc différents points à ce sujet-là. Ça, c'est un autre livre aussi qui a l'air très bénéfique. Je ne l'ai jamais vu jusqu'à maintenant, mais Inch'Allah, si un jour je le trouve, eh bien, on fera des cours, Inch'Allah. avec ce livre-là aussi, on pourra en lire quelques passages ou même traduire quelques passages parce qu'il a l'air vraiment important et intéressant aussi. Donc ça, c'est juste une note de bas de page, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, le cheikh, il continue la parole de l'explication par rapport à qu'est-ce qu'il disait, par rapport à qu'est-ce qui se passe parmi les groupes aujourd'hui, et comment il néglige l'importance du tawhid et qu'il s'associe avec des gens qui sont en opposition même avec le tawhid, hein, mais ils prennent ça comme étant quelque chose de pas important, de pas grave. Tandis que ceux qui sont salafis et qui suivent le tawhid et qui suivent la sunna, hein, eh bien, ils se désavouent d'eux par rapport à certaines fautes ou certains péchés qu'ils considèrent eux. Et il dit وَمَعَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُولُ صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ويقول صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي قال وهذا حديث حسن غريب وذكرهما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Donc le cheikh, il mentionne pour montrer l'importance du tawhid que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Allah certes ne pardonne pas qu'on associe avec lui, qu'on fasse le shirk avec lui dans l'adoration, hein, qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on associe des choses avec lui dans l'adoration, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Ça, c'est le verset 48 dans sourate An-Nisa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans qu'est-ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, celui qui dit ou celui qui déclare ou qui témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah lui seul et qu'il est sans partenaire et sans associé et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager et que Isa ibn Maryam ibn Abdullah est le serviteur d'Allah et son messager et une parole qu'il a mis en Maryam, une parole qu'il a mis en Maryam et une âme venant de lui, et que le paradis est véridique et que l'enfer est véridique, Allah subhanahu wa ta'ala le fera rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action. Et il mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô fils d'Adam, hein, même si tu me venais avec des péchés équivalents à la quantité de la grandeur de la terre, puis que tu me rencontres alors que tu n'as rien associé avec moi, tu n'as pas fait de shirk avec moi, alors je te viendrai avec l'équivalent en pardon, avec l'équivalent en pardon. Donc c'est pour dire que comme le cheikh il explique que ça c'est rapporté par At-Tirmidhi et que cheikh l'islam Mohammed ibn Abdul Wahhab il cite ses versets et ses hadiths dans Kitab al-Tawhid, le chapitre le mérite du Tawhid et ce qu'il vient expier comme péché. Et donc ça c'est pour dire que en fait, même si on reproche aux salafiyin, ahl sunna, qu'ils ont peut-être certains péchés, mais il faut comprendre que le plus grand péché et le plus grand de tous les crimes, c'est le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que celui qui commet le shirk, eh bien, aucune de ses œuvres n'aura de valeur, aucune action qu'il fait n'aura de valeur, et que Allah n'acceptera rien de ses bonnes œuvres, et en même temps que si un musulman, parmi les gens qui sont sur le tawhid, parmi les gens d'Ahl Sunnah, parmi les salafiyins, commet un péché, eh bien ce péché-là, hein, il est expié par son tawhid, hein, il sera expié par son tawhid, et que, donc c'est ça, c'est que, en réalité, pour faire comprendre que si on reproche aux gens d'Ahl Sunnah d'avoir certaines fautes, ou certains manquements, ou certains péchés, du moment que ces péchés-là ou ces fautes-là ne sont pas des fautes dans les fondements de la aqida et dans le tawhid, eh bien, yani, ce sont quand même des gens qui sont sur la vérité. Ce sont quand même des gens qui sont sur la vérité. Et ils doivent se repentir et craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui est sur le shirk et sur l'égarement et sur la bid'a, hein, ça c'est plus grave encore. Même si il fait des bonnes œuvres, ces bonnes œuvres ne sont pas acceptées. Tandis que celui qui est sur le tawhid et sur la sunnah, mais qui fait des bonnes œuvres, mais qui a des péchés, eh bien au moins ces bonnes œuvres seront acceptées et ses péchés seront pardonnés. Tandis que celui qui est sur le shirk, hein, ses bonnes œuvres ne seront pas acceptées et ses péchés ne seront pas pardonnés parce qu'il est mort sur le shirk. Hein. Donc ça c'est une distinction très très importante et fondamentale à faire par rapport au jugement qu'on attribue et qu'on applique aux groupes et aux individus. Hein. Et ça c'est quelque chose que les gens de la passion et de la bid'a ne prennent pas en considération. Et par exemple, on entend souvent la critique des gens qui disent « Ah, mais les salafiyins, ils n'ont pas un bon akhlaq, ils n'ont pas un bon comportement. Hein? » Et souvent, ça, c'est quelque chose qui est dit contre eux et on entend souvent ce genre de paroles. La réalité, c'est que souvent, c'est faux et c'est un mensonge. Mais même si c'était vrai, il faut comprendre que le bon comportement sans le tawhid, et sans la sunna, ça ne sert à rien. Que le kafir qui a le meilleur comportement, ou le mubtadi' qui a le meilleur comportement, son comportement ne lui servira à rien au jour de la résurrection. Hein? Et yani, tandis que celui qui est sur le tawhid, qui est sur la sunna, qui fait du bien, même si des fois il a des manquements dans son comportement, eh bien, au moins, il aura quand même la valeur de ses bonnes œuvres. Et il sera quand même parmi les croyants. Hein? Et donc, tout ça, c'est des choses à prendre en considération aussi. Et en même temps aussi, de comprendre que ce point-là, c'est un point fondamental à comprendre. Souvent, on critique les gens qui suivent la sunna, qui suivent la salafia, de ces choses-là, injustement. Et c'est juste pour jeter de la poudre aux yeux aux gens, pour les détourner de la réalité, de qu'est-ce qu'ils doivent comprendre et suivre. On peut lire un autre point aussi, je ne sais pas si on a le temps. قال قوام السنة إسماعيل الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة وعلى المرء محبة أهل السنة في أي موضع كانوا رجاء محبة الله له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتلاقين في وعليه بغض أهل البدع في أي موضع كانوا حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله. أي نعم. Donc, on a lu plein d'exemples comme ça. Ça, c'est un exemple intéressant aussi. La parole de Qawam al-Sunnah Ismail al-Asbahani dans son livre Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja, le volume 2 à la page 501, il dit que la personne doit aimer Ahl-Sunnah peu importe où ils sont, par espoir d'avoir l'amour d'Allah. Hein? Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le dit, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu En fait, il dit que Allah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit que Allah a dit mon amour, hein, est une obligation, c'est-à-dire je vais obliger, je vais aimer, hein, donc je comme si, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait c'est un devoir pour moi d'aimer ceux qui s'aiment en moi, qui s'assoient en moi et qui se rencontrent en moi. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est un devoir pour moi d'aimer ceux qui s'aiment en ce qui amène mon agrément et ce qui amène ma satisfaction, et d'aimer, et que j'aimerais également, et que je donnerai mon amour à ceux qui s'assoient et qui sont ensemble pour faire qu'est-ce qui amène mon amour et ma satisfaction, et qui se rencontrent les uns les autres pour faire ce qui amène mon amour et ma satisfaction, et ainsi de suite. Donc c'est rapporté par l'imam Malik. C'est rapporté par l'imam Malik dans Kitab Shi'r, et également dans par l'imam Ahmad aussi, et c'est authentifié par Ibn Hibban et Al-Hakim selon Mu'adh ibn Jabal. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui se rencontrent entre eux et qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala et qui font qu'est-ce que Allah aime ensemble. Et donc ça c'est pour dire que le cheikh il a cité ce hadith là pour prouver quoi? Pour prouver que le musulman doit aimer les gens de la sunna, peu importe où ils sont, et que en aimant les gens de la sunna, peu importe où ils sont, il doit faire ça avec l'espoir d'avoir l'amour d'Allah sur lui. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se réunissent en son amour et qui se réunissent en ceux qui amènent la satisfaction d'Allah. Donc ça prouve que on doit aimer les gens de la sunna, parce que les gens de la sunna sont ceux qui se réunissent pour ces choses-là. Et il dit, et de même que ça implique que tu dois détester les gens de la bid'a, peu importe où ils sont, jusqu'à ce qu'ils fassent partie de ceux que Allah, jusqu'à ce qu'ils fassent partie de ceux qui aiment pour Allah et qui détestent pour Allah. Fin de la citation. Donc c'est pour dire que le musulman il doit aimer pour Allah et détester pour Allah, et il doit donc aimer les gens de la sunna et il doit donc détester les gens de la bid'ah et ne pas rester avec eux, et ne pas s'asseoir avec eux, et ne pas les fréquenter, hein? Et pourquoi? Pour pas qu'ils reçoivent la colère d'Allah, parce que ces gens-là amènent la colère d'Allah peu importe où ils sont, hein? C'est le contraire. Et ça c'est important aussi par rapport à ça, parce que il y a des gens qui regardent aussi, on a plein d'exemples des paroles des salafs à ce sujet là que le péché, il y en a qui regardent le péché mais ils ne regardent pas la bid'a, et ils pensent parfois que le péché il est plus grave que la bid'a, parce que la bid'a elle est faite avec une intention de piété et de religion. La personne qui fait une bid'a, elle fait cette bid'a parce qu'elle pense que c'est quelque chose qui le ramène plus proche d'Allah. Donc elle donne une image de piété quand elle le fait. Elle le fait devant les gens avec l'image que c'est quelque chose qui le rapproche plus d'Allah. Hein? Tandis que la personne qui fait un péché, elle le fait pas comme étant quelque chose de religieux. Hein? Tandis que le mubtadi, il fait la bid'a comme étant quelque chose de religieux. Mais tu vas jamais voir un, par exemple, un pécheur, quelqu'un qui va faire, par exemple, boire de l'alcool, qui va aller, par exemple, dans la mosquée pour boire son alcool devant tout le monde, puis faire ça comme si ça le rapprochait d'Allah. Tu vas jamais voir quelqu'un, par exemple, qui va manger du porc, qui va aller dans la mosquée devant tout le monde, puis dire aux gens, venez avec moi manger du porc. Hein? Au contraire, les gens qui vont faire ces choses-là, ils savent que c'est des choses haram, ils s'écartent et ils s'éloignent, hein? Et ils ont honte de faire ça, ils demandent pardon à Allah après l'avoir fait. La même chose pour les autres péchés, comme par exemple le péché de, par exemple, le zina ou les autres crimes. C'est la même chose. Les gens, ils ont pas, ils font pas ces choses-là avec fierté, hein, ou ils font pas ça avec une paix dans leur cœur, ou pensant que ça les rapproche d'Allah. Ils font ça avec le remords, hein, et la honte et la gêne. Tandis que le mubtadi', c'est le contraire, non. Il fait une bid'ah, hein, il pense que c'est quelque chose qui est bon. Et c'est ça le danger. C'est pour ça que plusieurs parmi les salafs, ils disaient, je préfère voir mon fils avec des gens qui boivent de l'alcool et qui font des péchés. Ou certains ont dit, je préférerais voir mon fils qui sort d'une maison où on commet le péché que de le voir sortir de la maison de mubtadi', hein, comme un Rafidi ou un Mu'tazili ou un Jahmi ou un Shi'i, hein, ou ainsi de suite, ou un Ikhwani ou un Tabliri ou des choses comme ça. Parce que le mubtadi', il va t'égarer de ta religion, il te fait tomber dans la bid'ah, hein, tandis que le péché, yani, tu peux t'en repentir. Donc c'est des exemples, ça aussi, qui nous font comprendre, hein, ceux qui mélange les choses. Ça, c'est très important de comprendre, parce que c'est des principes d'Ahl-Sunnah. Le Cheikh dit, wa ma'al asaf tajidu ba'dahum yu'adi bilad al-ilm. Donc ça, on va le laisser pour la semaine prochaine, parce que c'est très important. Donc on va revenir à la semaine prochaine sur cette parole ici qui est expliquée par le Cheikh. Puis on va donner des bons exemples à propos de ça, parce que c'est très très important par rapport à al-wala wal-bara, sur le plan, par exemple, de tout ce qui a rapport avec ces choses-là. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.